visite des petits seins de Bakélite qui s'agitent. Si Sex and Song, toi, petite, c'est sûr que tu es un hit. Des petits seins de Bakélite.